Léonce Huitariho. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition dont voici d'abord les principales articulations. Cheikh Mohamed Rukara a terminé son mandat en tant que médiateur burundais. Il a été remplacé ce lundi par Edouard Nouimana, désormais ex-deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, qui a été vite remplacé à son tour par Joki Chantal Nkurunziza. On en parlait juste en début de ce journal. De notre côté, un ancien dignitaire est cité, non pas dans un quelconque poste, mais cette fois dans un dossier de viol. Didas Kiganaï, qui est membre de la commission Vérité et Réconciliation, est accusé d'avoir abusé sexuellement une jeune fille de 16 ans pendant plus d'un mois. Et le père de la victime et l'association FENADEB, ils demandent que justice soit faite. Dans ce journal également, le parti Sahwanya Frodebu Nyakuri appelle le gouvernement burundais à associer toutes les parties concernées quand viendra le moment de modifier certaines dispositions de la constitution burundaise. Et puis, le commandant de l'unité de police de roulage met en garde ceux qui font usage de faux certificats de contrôle technique. Il s'expose à des sanctions. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Edouard Nouimana, qui était deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, a été élu nouvel ombudsman burundais dans la matinée de ce lundi, en remplacement de Cheikh Mohamed Rukara Khalfan. 90% des députés ont voté pour Edouard Nouimana. 17 candidatures en tout avaient été présentées. Et en remplacement de M. Nouimana, Joki Chantal a été élu à son tour au poste de deuxième vice-président de la Chambre basse du Parlement. Placide Niyomungere a été sur les lieux. Est approuvé Ombudsman burundais, dit le président de l'Assemblée nationale. À l'ouverture de cette session, honorable Révérien Ziga Massabo, président de la commission ad hoc qui avait été mise en place par le bureau de l'Assemblée nationale, avait précisé que 17 dossiers avaient été déposés, mais 9 étant incomplets. En lice, sont restés 8. Dans les épreuves et interviews, l'honorable Edouard Nouimana était sorti le premier avec 69%, Amis Nangibingura 37%, et l'ex-vice-président de la République Prosper Ibazombanza sortant troisième avec 32%. Cette commission a alors présenté devant la Chambre basse du Parlement la candidature unique de celui qui s'était bien démarqué dans les épreuves et interviews, dont l'honorable Edouard Nouimana, pour que l'Assemblée nationale s'exprime mais par vote secret sur sa candidature. Sur 113 députés présents, auxquels se sont ajoutés 3 procurations, 106 ont voté pour la candidature d'Edouard Nouimana, soit un taux de 91,3%, 9 étant contre et une abstention. Au nom de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, président, approuve le nom de l'honorable Edouard Nouimana au poste de l'ombudsman et le prix également de dégager. Au nom du bureau et de l'Assemblée nationale, j'approuve l'honorable Nouimana Edouard qu'il ait élu l'ombudsman burundais. C'est pourquoi nous le prions de dégager pour que nous puissions continuer avec la suite. Conformément à l'article 118 du Code électoral burundais qui stipule que le mandat d'un député est incompatible avec toute autre fonction, alors que Edouard Nouimana occupait déjà le poste de deuxième vice-présidence de l'Assemblée nationale, les députés du parti CNDD-FDD, dont il est membre, ont été priés de présenter une autre candidature au remplacement de celui qui venait d'être élu. Ces députés présentent alors Joki Chantal Nkurunziza, une Tutsi élue dans la circonscription de la province Ruyigi, par vote secret également, 111 sur 113, plaçant Joki Chantal Nkurunziza au poste de deuxième vice-présidence de l'Assemblée nationale. Les cérémonies de prestation de serment du nouvel ombudsman burundais Edouard Nouimana devant le président de la République au remplacement de Mohamed Dirukara dans ses fonctions depuis novembre 2011 sont prévus ce mardi, le mandat de l'ombudsman burundais étant de 6 ans non renouvelable. Je vous le disais tantôt, le parent d'une jeune fille de 16 ans qui a été retrouvée dans un hôtel à Kajaga samedi dernier affirme que son enfant a été abusé sexuellement. Le père de la fille indique qu'il suspecte un certain Didas Kiganahe, un des membres de la commission Vérité et Réconciliation, CVR en sigle, comme auteur de viol. Il demande que la justice soit faite équitablement. Suivez-le, il est traduit en français par Alain Désiré Oukéenez.

Le parti Sahwanya Frodebu Nyakuri appelle le gouvernement burundais à consulter les partis politiques pour ce qui est de l'amendement de la Constitution nationale. Le secrétaire général de ce parti explique que l'amendement de la Constitution est une question politique, d'où, selon lui, la nécessité de consulter les acteurs concernés. David Nyonchungu le dit après que le Conseil des ministres de mercredi dernier ait annoncé la mise en place d'une commission chargée d'étudier les dispositions de la Constitution à amender. Suivez-le. Selon le rapport de la CNDI, la population a demandé que la Constitution soit révisée. La population s'est prononcée là-dessus sur cette question. Nous saisissons cette occasion pour demander au gouvernement de permettre aux partis politiques et à toutes les autres parties prenantes de donner les contributions. Aujourd'hui, la classe politique est divisée. Il y a les responsables des partis politiques qui sont au Burundi, mais il y a également d'autres qui sont à l'extérieur du pays. Est-ce que tout ce monde-là doit être consulté pour donner leur contribution quant à ce qui concerne l'amendement de la Constitution? Nous disons, s'ils veulent contribuer, ils vont donner leur contribution. Je pense que le gouvernement va voir si c'est possible de considérer les avis. Mais nous disons, nous les appelons de retourner ici au Burundi pour faire la politique. Mais il y a d'autres présidents des partis politiques qui sont poursuivis. Ces gens-là, nous disons qu'ils ne sont pas considérés. Une opération de fouilles et perquisitions a été effectuée ce matin chez Athanase Nizigimana, représentant les habitants du quartier Buterere 1, cellule 3, en mairie de Bujumbura. Selon Athanase Nizigimana, ces policiers ont également malmené certains habitants. Il indique également qu'après avoir téléphoné à la première vice-présidence de la République, les policiers ont changé de motif et ils ont dit qu'ils sont en train de faire un travail de routine. Ceux qui font usage des faux certificats de contrôle technique s'exposent à des sanctions qui sont prévues par le code pénal. Cela a été dit par le commandant de l'unité de police et de roulage et de sécurité routière. Alfred Innocent Mousseremou ajoute en outre que les véhicules utilisant ce genre de certificat causent souvent des accidents de roulage. Suivez-le, il est au micro d'Evrar Habdaliman. Dans le cadre de la lutte contre les accidents de roulage observés sur la voie publique, l'unité de police de roulage et de sécurité routière, en collaboration avec le transport en commun, le TRACO, venons de faire une campagne de chercher les véhicules utilisant de faux certificats de contrôle technique. Vous aurez remarqué que les véhicules utilisant de faux certificats de contrôle technique sont généralement de vieux véhicules, remplissent pas les conditions techniques exigées pour être en circulation sur la voie publique. Donc, nous profitons de cette occasion pour porter à la connaissance de l'opinion publique que ceux qui font usage de ces faux certificats de contrôle technique s'exposent à des sanctions qui sont prévues par le code pénal burundais, qui, en son article 335, stipule que, à l'alinéa 2, ceux qui font usage de ce genre de documents contrefaits sont sanctionné par une servitude pénale de 5 à 10 ans et d'une amende allant à 500 000 francs bout ou à l'une de ces peines seulement. Vous comprendrez donc que ceux qui font usage de faux certificats de contrôle technique s'exposent à des sanctions qui sont un peu lourdes, comme vous venez de l'entendre. Les effectifs prévus pour entrer à l'Institut supérieur des cadres militaires se situent entre 50 et 100. Ce sont les propos de colonel Gaspard Baratouza, le porte-parole de l'armée burundaise. Il précisait que parmi 1339 candidats, 40 se sont absentés au test qui a eu lieu samedi dernier au chef-lieu des provinces pour des raisons diversifiées. Le colonel Gaspard Baratouza l'a dit ce lundi au moment de la correction de l'examen. Suivez-le. Aujourd'hui, lundi le 20 novembre 2016, c'est le jour de la correction des tests qui ont eu lieu ce samedi 19 novembre 2016 au chef-lieu de toutes les provinces du pays. Pendant le mois qui était prescrit pour appel à candidature, 1379 candidats se sont fait inscrire. Le jour du test, 1339 candidats se sont présentés et il y a eu une quarantaine d'absences pour des raisons diversifiées mais qui n'ont pas été mentionnées. Demain ou après-demain, ils vont rassembler tout cela pour mentionner les états sur une liste. Après, les copies vont retourner au chef-lieu des provinces avec les copies des candidats et samedi, le 26 novembre 2016, à 7h du matin, les candidats viendront sur les mêmes lieux pour constater les résultats. Et ce jour même, il y aura passation du test de physique. Normalement, chaque année, lorsqu'on recrute à l'ISCAM, les effectifs varient entre 50 et 100.